Votre cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dites-moi, avez-vous peur des monstres quand vous étiez petit, de ces horribles créatures qui se cachent sous le lit, dans le placard ou derrière la porte ? Aviez-vous besoin d'une lumière pour vous endormir, sans quoi le croque-mitaine, l'ogre ou le grand méchant loup risquaient de surgir pour vous dévorer les pieds ? Les monstres font partie de notre imaginaire, de notre littérature, de notre culture. Ils sont utiles à notre construction mentale. Oui, il n'est qu'à lire les contes de fées. D'ailleurs, de temps en temps, nous aimons retrouver ces monstres, mais sur grand écran. Cette fois, c'est au cinéma que surgissent King Kong, Godzilla et tant d'autres. Mais nous avons grandi et désormais nous savons qu'aucun animal monstrueux ne se cache sous notre lit. Sinon, parfois, quelques amas de poussière en forme de boules laineuses, les horribles et terrifiants moutons. Dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons au cinéma, à l'histoire et au cinéma, et à l'histoire du cinéma, des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis vous pouvez discuter, commenter ces émissions sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, nous allons retrouver des monstres au cinéma. Comment le cinéma de science-fiction s'est-il fait l'écho des inquiétudes du siècle et principalement du XXe siècle avec la peur atomique? Pour nous en parler aujourd'hui, Fabien Moreau, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes spécialiste du cinéma asiatique et du tokusatsu. Tokusatsu, le cinéma à effets spéciaux japonais. D'accord, c'est un genre de cinéma né au Japon. Tout à fait. À quel moment ? Alors, on va dire que le terme a surtout été, on va dire, employé à partir des années 50, puisque c'est une contraction d'un terme qui veut dire tokushu satsue, qui veut dire tournage spécial ou tournage à effets spéciaux. Ça a été utilisé, on va dire, à partir des années 50, lors du tournage du premier Godzilla, voilà, 54. Ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, ce personnage incroyable de Godzilla. Et vous êtes l'auteur de Ichiro Honda, Humanisme monstre, et justement, c'est le réalisateur qui, en 1954, a mis à l'honneur ce monstre Godzilla. C'est aux éditions Rouge Profond. Tout à fait. Vous êtes co-auteur également du Man Movies spécial Godzilla. Donc, nous allons avoir un gros monstre qui surgit des eaux, qui nous est porté par vous, Fabien Moreau. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Et avec nous aujourd'hui, Alex Nikolavitch, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes scénariste de bande dessinée, vous êtes aussi traducteur de comics books, vous êtes essayiste, romancier et l'auteur d'Apocalypse, une brève histoire de la fin des temps. Apocalypse avec un S. Cet apocalypse est au pluriel, il y a plein d'apocalypses possibles. Oh bah, ça fait 2000 ans qu'on annonce la fin du monde et qu'elle est toujours remise à demain. Et nous, la fin du monde, on la veut le plus tard possible. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'à la fin de l'émission, nous retrouverons Anaïs Quien. Anaïs Quien qui assure la programmation du cours de l'histoire et Anaïs qui viendra avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons entendre un bricolage sonore et magique réalisé par Perret Le Gras. Perret qui réalise également cette émission, le cours de l'histoire, avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige. Oui, Perret a fait se rencontrer deux monstres. Le Godzilla de 1954, celui réalisé par Ichiro Honda, et Godzilla 2, Roi des monstres, en 2019, de Michael Dougherty, Godzilla, monstre sacré du cinéma. Nous sommes tous étreints par une émotion intense. Il constitue pour tous un danger terrible. Il a déjà fait de grands ravages. Il est là, dans la baie de Tokyo. Oh non, Godzilla. Notre planète va périr. Et nous avec elle. Accroche-toi, petit ! Ici, Télévision Nationale. Nos caméras sont braquées sur Godzilla, dont l'effroyable silhouette se détache sur les flammes déchaînées et sans hésiter. Mais il se rapproche peu à peu de la tour où nous nous trouvons, sans défense. Aucun doute, c'est vers nous qu'il vient. Il est trop tard pour nous enfuir. Il est tout près de nous maintenant, il va nous attaquer. Déjà, il ouvre sa gueule. Nous sommes impuissants. Rien n'arrêtera Godzilla. Tout est fini pour nous. un Godzilla de 2019 qui rencontre celui de 1954, le premier Godzilla, Fabien Moreau. Dans les monstres qui peuplent notre imaginaire, il y en a certains qui n'ont pas d'origine vraiment précise, le croque-mitaine, on ne sait pas trop d'où il vient, tous ces monstres qui surgissent de l'Antiquité, les dragons, toutes ces choses-là. Godzilla, en revanche, il est possible de lui donner une date de naissance, c'est 1954. Son réalisateur vous a intéressé, vous pouvez nous le présenter. Qui est Ichiro Honda? Alors donc Ichiro Honda est un réalisateur japonais qui est né en 1911. Donc c'est quelqu'un qui vient d'une famille bouddhiste, voilà. Le patriarche était prêtre bouddhiste, donc une famille qui a beaucoup grandi à la campagne, auprès de la nature. Et donc au début des années 30, Ichiro Honda intègre une compagnie qui s'appelle PCL, donc Photochemical Laboratory, qui deviendra plus tard le studio Toho. Et il faut savoir qu'Honda, à son adolescence, était passionné par le cinéma. Il était marqué justement par certains grands classiques allemands et il s'est dit « c'est ça que je veux faire ». Donc il devient assistant réalisateur parce que à l'époque au Japon, si vous vouliez être cinéaste, la formation était d'être assistant réalisateur pendant au moins 10 ans, c'était la condition sine qua non. Donc il travaille pour beaucoup de cinéastes sur de nombreux films, notamment Kajiro Yamamoto qui était un grand cinéaste d'avant-guerre. Et donc il se forme auprès de ce monsieur-là avec d'autres cinéastes comme un certain Akira Kurosawa avec qui il devient rapidement ami. Et puis arrive la guerre et Honda donc est mobilisé plusieurs fois sur le front en Mandchourie que lorsque la guerre d'Asie éclate pardon. Et Honda fait plusieurs allers-retours entre le Japon et le front jusqu'en 1945. Il va même jusqu'à s'occuper d'une maison de confort, je vous laisse deviner ce que c'est, pour les officiers japonais où donc justement il doit gérer des prostituées qui viennent de Corée et de Chine. Donc un métier, une phase assez difficile. Et il est fait prisonnier de guerre. Donc à la toute fin du conflit en Chine, et il revient au Japon tout seul à pied. Alors qu'il traversait la mer quand même. Voilà, tout à fait, il traverse la mer. Mais quand il est libéré, on va dire que quand il rentre au pays, il passe par les ruines d'Hiroshima, justement autour de 46, et là, il y a tout un imaginaire, on va dire, apocalyptique qui s'imprime dans son cerveau. Il passe à la réalisation en 1949, avec des courts-métrages qu'on appelle les films culturels, qui étaient en fait des courts-métrages touristiques, des courts-métrages documentaires touristiques. Et déjà, dès le début, il y a cette idée de filmer la nature, de mettre en avant les paysages côtiers ou ruraux du Japon. Puis, en 51 à 40 ans, il commence à passer la réalisation sur des longs-métrages. Il fait un film qui s'appelle La Perle Bleue, qui est un film sur les pêcheuses de perles, ce qu'on appelle les amas. Donc voilà, et ça devient le grand cinéaste de la nature. Et en 54, après une série de films, arrive le tournage du premier Godzilla. Voilà, nous avons donc un Japonais qui naît en 1911 et qui connaît toute cette période complexe dans l'histoire du Japon. Nous sommes dans ce Japon impérial et impérialiste, un Japon en guerre. C'est ce monde-là dans lequel il évolue, c'est dans ce monde-là qu'il construit son imaginaire. Vous, Alex Nikolaevitch, vous avez étudié la notion d'apocalypse, vous amusez à la regarder sur le temps long, à tirer les fils, évidemment, de l'apocalypse biblique jusqu'à ses différentes représentations au cours des siècles. Au XXe siècle, qu'est-ce que l'apocalypse? La notion même du mot évolue. Le mot au départ signifie la révélation, c'est le dévoilement des choses à venir ou de la structure profonde de l'univers. La forme moderne actuelle de l'apocalypse, c'est le complotisme, par exemple, où on développe, on dévoile les ressorts cachés, où on croit développer les ressorts cachés. L'autre forme qui vient de l'apocalypse de Saint Jean, c'est la fin du monde. Et à partir de 1914, Paul Valéry dit que les civilisations maintenant savent qu'elles sont mortelles. Et ça, c'est une sorte de traumatisme. Comme le Hiroshima et Nagasaki sont des traumatismes pour les Japonais, la Première Guerre mondiale, la grande boucherie est un traumatisme pour l'Europe. On voit qu'effectivement, un mode de vie peut être saccagé en quelques années, enfin un art de vivre peut complètement disparaître en quelques temps. Vous avez raison, Alex Nikolaevitch, de souligner Paul Valéry, qui, dès 1914, dit que les civilisations savent qu'elles sont mortelles. C'est important parce que nous sommes en 1914, bien avant la bombe atomique, et c'est vrai qu'il y a une lecture facile qui dit que les civilisations prennent conscience de la fin possible du monde au moment de la bombe atomique. En fait, il y a une lecture à faire sur tout le XXe siècle de cette peur de fin du monde. Ben oui, parce que si on regarde, je ne sais pas, par exemple, J.R.R. Tolkien, qui a une expo actuellement, lui, sa vision du mal et de la fin du monde, il la prend de plein fouet dans la Somme. Il est infirmier dans la Somme et il se fait bombarder. Et La chute de Gondolin, qui est le premier texte du cycle de Seigneur des Anneaux et de la Terre du Milieu, ça vient directement des marécages de la Somme, complètement labourés par les bombes. Donc il y a ces visions-là. La guerre industrielle va déjà former un imaginaire apocalyptique qu'on va retrouver dans pas mal de productions du XXe siècle, de Star Wars, Seigneur des Anneaux, etc. Donc cet imaginaire apocalyptique, on s'en doute bien, le cinéma s'en saisit aussitôt. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Et dans l'univers apocalyptique qui est né des guerres industrielles, donc qui est présent dès le début du XXe siècle, arrive ce moment fracassant qu'est celui de l'utilisation de la bombe atomique, utilisation contre des populations en 1945 au Japon, qui marque profondément le peuple japonais. Exemple avec évidemment une protestation anti-atomique au Japon, car ils connaissent, nous sommes en mai 1957 dans les actualités françaises. Constatée journellement dans les eaux de pluie, la radioactivité créée par les expériences nucléaires entretient au Japon une inquiétude bien compréhensible après Hiroshima. Cette inquiétude s'exprime aujourd'hui avec une force sans cesse accrue. Devant les ambassades américaines et russes, des groupes sont venus récemment réclamer l'arrêt des expériences atomiques. Et par milliers, les signatures se sont multipliées sur les pétitions. L'une des manifestations a pris une particulière ampleur. Elle s'est développée selon la technique de l'escargot, qui semble assez particulière aux manifestants japonais. Elle s'est également assortie de quelques heurts, plus ou moins énergiques, avec les forces de police. Fabien Moreau, Godzilla apparaît en 1954 sur grand écran par cet homme que vous avez étudié, ce réalisateur, Ichiro Honda. Comment pouvez-vous relier le monde apocalyptique? Donc nous sommes après l'utilisation de la bombe atomique au Japon, mais nous sommes pendant, nous venons de l'entendre, les essais atomiques. Il y a un lien évident entre la naissance de Godzilla et l'arme nucléaire. Tout à fait. En fait, cette année 1954 est vraiment très importante puisque en mars de cette année-là, il faut savoir que les Américains a entamé une opération qui s'appelle l'opération Castle Bravo, qui consiste à faire exploser des bombes nucléaires, des bombes test, donc dans le Pacifique Sud, notamment dans un atoll qui est l'atoll de Bikini, qui est dans les îles Marshall. Il faut savoir que les îles Marshall à l'époque c'est un territoire japonais, hein, c'est notamment une zone de pêche. Et donc le 1er mars 1954, ils font un nouveau test de bombe. Et à quelques kilomètres de la zone d'essai, il y a un chalutier japonais, un bateau de pêche qui s'appelle le Dragon Chanceux numéro 5, qui s'aventure justement près de la zone de test, mais sauf qu'ils ne savent pas qu'il y a des essais nucléaires en cours. Et d'un coup, bam, explosion nucléaire en plein océan. Et là, le navire se prend une déflagration de plein fouet. Et les 23 membres d'équipage sont contaminés. Et notamment l'opérateur radio qui meurt quelques mois plus tard, en septembre 1954. Et donc, c'est à partir de cet événement-là qu'il va y avoir un véritable soulèvement au Japon contre les essais nucléaires. Parce que pour eux, après Hiroshima et Nagasaki, se reprendre un troisième drame lié au nucléaire, c'est juste pas possible. Surtout que, faut savoir que toute la pêche qui a été pris par ces pêcheurs-là a été mis sur les étalages, sur les marchés et a été contaminé. Donc il y a un vent de peur, de paranoïa, d'hystérie collective au Japon qui est légitime et qui se met en place, à tel point que certains émissaires américains vont proposer une aide au Japon. Le Japon va dire non, on gère nos affaires en interne, mais on veut que tous ces essais nucléaires se terminent. Et donc c'est ce fait divers-là qui va inspirer Tomoyuki Tanaka, le producteur à la Toho, pour mettre en place le projet Godzilla et confier la réalisation à Ichiro Honda. Et là, nous sommes sur un événement, donc un essai nucléaire en 1954 qui contamine un bateau, il pêche du thon. Tout à fait. Ça, c'est sur le moment précis et qui explique la naissance de Godzilla. Mais la naissance de ce personnage peut se voir également sur quelque chose de beaucoup plus profond, parce que Godzilla fait écho à un imaginaire au Japon de ces monstres anciens et notamment ces monstres liés à la mer. Oui, parce que dans l'imaginaire, donc des yokai, donc qui sont les monstres, on va dire ruraux japonais. Donc on a plein de créatures, mais il y en a une qui s'appelle Bakekujira, donc qui est la baleine fantôme. Donc, lorsque vous voyez les dessins de cette créature, c'est une sorte de baleine un petit peu squelettique. Et donc le nom original de Godzilla, le nom en japonais, c'est Gojira, qui veut dire donc qui vient de Kujira, qui veut dire baleine, et de Gorilla, qui veut dire gorille. Donc l'affiliation avec King Kong est rapidement faite. Donc Godzilla est, on va dire textuellement, une baleine gorille. Sauf qu'à l'origine, le créateur des effets spéciaux, Eiji Tsuburaya, voulait aller vers quelque chose qui évoquerait plus une sorte de pieuvre géante. Et le producteur a dit, non, on a ce film américain qui vient de sortir, qui s'appelle Le Monstre des Temps Perdus, film américain de 53, avec les effets spéciaux de Ray Harryhausen, dans lequel on met en scène un dinosaure géant. Les dinosaures, ça marche, donc on va faire de Godzilla un animal préhistorique. Et il faut savoir que les toutes premières versions du personnage, qui avaient été dessinées par un mangaka, présenter Godzilla avec une créature, avec une tête, pardon, qui avait une sorte de chapeau atomique, en fait. C'était un champignon atomique. Et là, à l'époque, ils se sont dit, non, la censure va nous tomber dessus si on montre une créature qui évoque directement le champignon atomique. Donc, faisons plutôt une sorte de dinosaure mutant géant qui serait un mélange entre le tyrannosaure et le stégosaure. Voilà. Et on va lui ajouter le fameux souffle radioactif qui est ni plus ni moins qu'une bombe à hydrogène en spray. Nous voyons bien que le contexte est essentiel pour expliquer la naissance de Godzilla. Alex Nikolaevitch, quand vous étudiez toutes ces apocalypses, et notamment la représentation de ces fins du monde au cinéma, vous trouvez également dans ces années 50 sans cesse une relation au monde nucléaire, mais alors pas uniquement comme c'est le cas pour Godzilla, c'est-à-dire que c'est, disons-le, une peur généralisée qui explique ce regard un peu inquiet sur l'évolution du monde. Ben, si on prend par exemple aux États-Unis où il n'y a pas le traumatisme nucléaire à la base, à l'époque, aller voir les essais nucléaires du Nevada, c'est on va à Las Vegas, on se met sur un transat sur le toit de l'hôtel, on met des lunettes de soleil, on regarde l'essai nucléaire à 30 km. C'est une dinguerie. Il y a eu une pic de cancer à la suite, mais on ne savait pas à l'époque. Il n'y a pas ce traumatisme-là, mais petit à petit, il y a une prise de conscience. Et on a de plus en plus de films avec les fourmis géantes, la tarentule géante, l'attaque de la femme de 50 pieds, avec ces monstres mutants gigantesques. Donc il y a culturellement un retour du monstre géant vers cette époque-là. Dans les comics aussi, d'ailleurs. Hein, les Marvel Comics dans les années 50, c'est des comics de monstres. Avec le dragon Fing Fang Foom, avec Groot, qui est un monstre géant à l'époque, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un motif global. C'est un motif global que l'on voit dans les bandes dessinées, les comics, que l'on voit également au cinéma, mais qui intéresse aussi les scientifiques, les biologistes. Exemple avec Jean Rostand, célèbre Jean Rostand, le fils d'Edmond Rostand, qui, en décembre 1969, était interviewé dans l'émission Point contre Point. On peut discuter sur l'importance du dégât, si vous voulez, sur l'importance du dommage causé par l'explosion nucléaire, mais personne n'a le droit de dire que ce dommage est nul. Dans la mesure où il y a augmentation de la radioactivité par suite de ces retombées nucléaires, il y a augmentation des mutations. Or, les mutations se font presque toujours, pour ne pas dire toujours, dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est un gène, c'est un DNA qui est abîmé, qui est gâté, qui est détérioré. Donc, du moment qu'il y a augmentation de la radioactivité, il y a un plus grand nombre de ces détériorations. Par conséquent, il n'est pas admissible d'entendre des personnages importants nous dire que le risque est négligeable ou qu'il est acceptable. Il n'est pas acceptable que par suite de ces retombées nucléaires, des centaines, sinon des milliers, sinon encore davantage d'enfants naissent plus tard. C'est un véritable crime perpétré dans l'avenir. En 1969, Jean Rostand, biologiste, membre de l'Académie française, parle des dangers du nucléaire. Il parle de mutation, de détérioration. Quelque part, Jean Rostand donne des amorces de scénarios à énormément lors de réalisateurs de films pour la bande dessinée, parce que dans le monstre qui transcrit nos peurs, il y a toujours cette idée, alors, au Japon on l'a vu avec Godzilla, mais même aux États-Unis, d'une transformation génétique. Hulk par exemple, c'est le cas. Ben Hulk, alors il y a en plus le double sens de l'apocalypse. Il est de Dr. Banner et fabricant de bombes atomiques, la bombe Gamma, nouveau modèle, et l'explosion de la bombe va révéler toute la colère enfouie qu'il a à l'intérieur. Il va devenir un monstre gigantesque, enfin un monstre colossal, l'incroyable Hulk. Donc il fonctionne aussi un petit peu comme Godzilla, mais avec en même temps des éléments du golem, de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et ainsi de suite. Attention Alex Nikolaevitch, voici Hulk. Chacun de nous est habité par une fureur atroce. On dirait un petit garçon en colère. Rien ne semble pouvoir résister à sa force herculéenne. Hulk apparaît en 1962 dans un comic book. 1962, et là aussi, si l'on veut contextualiser, nous sommes à un moment de tension autour de l'arme nucléaire. Alors, c'est la crise de Cuba qui n'a pas encore commencé quand Hulk paraît, mais nous sommes déjà dans cette tension-là. Et nous l'avons entendu dans l'extrait, c'est la colère qu'il y a en chacun de nous. C'est aussi la peur qu'il y a en chacun de nous. Ces monstres-là nous aident à extérioriser cette peur. Comme dirait un grand sage du temps passé, la peur mène à la colère mène à la haine, et la haine au côté obscur. Mais cette peur, oui, surtout dans les années 50, à un moment, il y a des films de prévention. On passe dans les écoles un petit film expliquant aux écoliers américains, si vous voyez le flash de l'explosion nucléaire, allez vous cacher sous la table. Et en fait, bon, je suis pas certain que se cacher sous la table serve à grand chose dans ce cas-là, mais se voulant rassurant, ces films de prévention vont aussi déchaîner une forme de paranoïa et de psychose. Duck and cover. Exactement. Donc c'est allonge-toi et couvre-toi. Et en fait, c'est quoi? C'est une tortue? C'est la petite tortue, fais comme la tortue, cache-toi, rentre la tête dans les épaules et mets-toi sous la table et tu seras épargné par le souffle nucléaire. Bon bah c'est trop tentant, écoutons un extrait de ce court-métrage de 1952. And cover, he did what we all must learn to do. You and you and you and you duck and cover. This is an official civil defense film produced in cooperation with the Federal Civil Defense Administration and in consultation with the Safety Commission of the National Education Association. Produced by Archer Productions Incorporated. Un court-métrage de propagande, Duck and Cover, donc couche-toi et couvre-toi, en 1952, avec un ton léger, évidemment. C'est vrai que sur l'image, c'est une petite tortue qui court et quand... c'était un bâton de dynamite qui explose, hop, elle rentre dans sa carapace. Mais en tout cas, cela entretient chez les plus jeunes, donc souvent les futurs consommateurs de comic books et puis de cinéma, ça entretient cette peur. Ah bah c'est ceux qui, dans les années 60, sont en âge de lire les comics de Stan Lee, où la radioactivité devient la baguette magique à tout faire pour Daredevil, Spider-Man, Hulk, les X-Men, etc. Et en même temps, c'est eux qui feront la contestation en 68-69 contre la guerre du Vietnam. Je pense que, peut-être que ce lien est artificiel, mais moi j'y vois un lien, effectivement. Cette contestation de la parole des adultes qui arrive dans les années 60 me semble liée notamment à ce genre de message de prévention un petit peu à côté de la plaque, qui aurait fait sans doute bondir Jean Rostand d'ailleurs, de par leur côté bénin, alors qu'on parle de choses quand même avec des conséquences extrêmement graves et sur très long terme. Alors nous voyons bien qu'aux États-Unis, il y a ces messages de propagande et puis même les actualités tout simplement qui entretiennent une peur constante. Et au Japon, c'est le cas avec, de manière démesurée, l'expérience même de la bombe atomique sur leur territoire en 1945. Nous avons évoqué avec le personnage de Hulk que le docteur Banner est un scientifique à la base, mais chez Godzilla, nous allons trouver également des scientifiques. Et c'est cela qui est intéressant, c'est toujours ces parallèles que l'on peut faire entre ces différents films, ces différentes manières de montrer le monstre au cinéma. Dès le premier Godzilla, on a un personnage qui s'appelle le docteur Serizawa, qui est un scientifique qui met dans son coin une invention révolutionnaire qui s'appelle le destructeur d'oxygène, l'oxygène destroyer, qui est une arme qui consiste justement à vaporiser, à supprimer l'oxygène dans l'eau. Et c'est cette arme qui va être utilisée pour détruire Godzilla dans le film original. Sauf que, de son point de vue à lui, sa création, c'est aussi pire que la bombe atomique. Donc si un gouvernement l'utilise à des fins, on va dire, néfastes, il a créé un monstre qui est tout aussi démentiel et démesuré que Godzilla. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il brûle ses notes, et après avoir utilisé sa bombe aquatique, entre guillemets, pour détruire Godzilla, il se suicide. Chose qu'on ne verrait jamais dans les films américains où justement, plus la science est avancée, plus ça va nous aider à détruire l'ennemi extérieur. Donc là, le contexte géographique, soit aux États-Unis, soit au Japon, montre quand même une différence d'appréhension du monstre. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le monstre sert à montrer la puissance, mais le monstre est compliqué en même temps. Parce que, alors, le monstre est dans un monde politique. Les États-Unis doivent se montrer toujours très puissants face au monstre. Mais enfin, le monstre ne peut pas non plus être trop faible. Il y a un jeu constant, et c'est le cas ce que vous montrez, Alex Nikolaevitch, avec notamment le monstre communiste. Parce que, on voit bien dans le symbole que peut représenter le monstre, il y a l'ennemi, il y a le communisme. Alors c'est compliqué, le communisme ne peut pas être trop puissant, mais il ne peut pas être trop faible non plus. Cette dichotomie est au cœur de tout le... Il faut que le monstre soit suffisamment effectivement inquiétant pour justifier un budget militaire, tout simplement. Et en même temps, qu'on puisse quand même le vaincre. Un monstre invincible, c'est le Terminator, c'est ce genre de choses. C'est très dérangeant. Il faut qu'il y ait une catharsis à un moment ou un autre. Il faut qu'on arrive à vaincre le monstre. Sinon, s'il est toujours là, s'il revient toujours, je sais pas, comme Jason, dans les films de Vendredi 13, on a un problème. Et après, Nietzsche disait celui qui vit de combattre un ennemi doit s'assurer de la survie de cet ennemi. Mais c'est toujours un équilibre un peu instable. Et pour Ichiro Honda, donc le réalisateur qui fait naître Godzilla, là, il y a la possibilité de tuer le monstre, parce que nous sommes dans un autre contexte, le contexte du Japon d'après-guerre, où il est nécessaire aussi de tuer ce monstre qui symbolise, on va dire, la peur nucléaire notamment. Il a la nécessité, effectivement, de le tuer, ce qui sera le cas dans le premier film, après il reviendra ensuite dans les films suivants, mais dès la fin du premier film, on nous dit, si on continue les essais nucléaires, on risque d'avoir d'autres monstres. Ce qui est le cas, parce que le cinéma de science-fiction japonais va pulluler ensuite de nouvelles créatures qui viennent du nucléaire, bon, qui viennent ensuite d'ailleurs, mais on va dire que le nucléaire reste, il y aura même un Frankenstein nucléaire géant dans les années 60, lui-même issu d'une mutation suite à Hiroshima, donc finalement, on revient toujours à la thématique du nucléaire qui est vraiment le terreau des fondations de la science-fiction japonaise depuis 65 ans tout rond. Et on comprend d'ailleurs par rapport au traumatisme qu'a pu connaître le Japon, d'où la naissance de Godzilla, Godzilla que nous retrouvons chanté par le groupe The Fleming. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. This is an old Godzilla flick. This is an old Godzilla flick. People that you love, never going to say hello. It's only in the movies. This is a no Godzilla. This is an no Clint Eastwood flick. People that you love, shooting the life out of themselves. And it's only in the The The Flaming Godzilla dans le cours de l'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Camille André et Alice Rouet. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous parlons des monstres au cinéma. Et oui, que disent-ils de nos peurs, de la peur de notre siècle et du XXe siècle? Nous avons beaucoup parlé de la peur atomique. Nous sommes dans les années 1950, également 1960. Étonnamment, le fait de parler des monstres au cinéma qui peuvent dénoncer l'arme atomique est aussi un moyen de lutter contre l'arme atomique. En fait, c'est-à-dire que c'est un sujet magnifique, mais qu'il faut détruire. C'est tout le propos, en fait, au Japon, du cinéma qui s'appuie sur cette science-fiction que vous avez étudiée, Fabien Moreau. Oui, tout à fait. Il faut savoir que même donc à partir du début des années 60, là, on part un petit peu au-delà de Honda, il faut savoir qu'il y a toute une série de films au Japon qui sont faits pour témoigner justement des tensions grandissantes entre les États-Unis et l'URSS, parce que comme on le sait, le Japon va se positionner avec les Américains au début des années 60 lorsqu'ils vont renégocier le traité, donc le traité d'accord américano-japonais, ce qui place le Japon fatalement contre les communistes et contre l'URSS. Donc, ils vont faire une série de films justement où ils vont anticiper une troisième guerre mondiale. On va voir les États-Unis et l'URSS se tirer dessus avec le Japon au centre des tirs, et ils vont essayer de dire au monde: faites attention, ne déclenchez pas de troisième guerre mondiale. Et donc on est dans une perspective, on va dire, à la fois alarmiste et humaniste, de dire au monde: arrêtez maintenant avec les essais nucléaires, il est temps. Et ce cinéma japonais, en plus, va trouver un écho mondial, un des succès gigantesques, dès 1954 avec le Godzilla. Enfin, il est japonais, il faut qu'il soit distribué dans le monde. Nous allons écouter ce qu'en disait René Château, qui distribuait pour la France le film Godzilla. Il nous en parle dans l'émission Allons au cinéma, sur la première chaîne de la télévision française. C'était en novembre 1976. Godzilla, c'est un monstre plus pour enfants. C'est-à-dire, c'est le seul monstre gentil existant. Le premier, parce que Godzilla, c'est déjà, si vous voulez, un vieux monstre, puisque le premier date de 1954. Celui qu'on sort, bien entendu, date de 76, mais le premier était de 54, et c'était un monstre très méchant, très destructeur, qui avait été réveillé par les bombes atomiques d'Hiroshima, et qui était venu à Tokyo pour détruire Tokyo, etc. Le dernier Godzilla, c'est pas du tout ça, c'est un monstre plus gentil, puisqu'entre-temps, 20 ans se sont passés, et Godzilla est devenu un monstre qui est le défenseur du Japon. René Château, qui nous parle de Godzilla en 1976 et qui considère que c'est un monstre gentil. Fabien Moreau, est-ce que le personnage de Godzilla évolue à ce point-là? Alors, il y a un petit élément de contexte à faire sur le témoignage de René Château. C'est que le film qu'il sort à l'époque, ça s'appelle Godzilla 80, 1980. Donc Godzilla contre Mégalon à l'international. C'est à l'époque le 13e film de la franchise. C'est un film qui est sorti en 1973 au Japon, mais qui arrive 3 ans plus tard chez nous. Au milieu des années 60, Godzilla, on va dire, dérive, sa personnalité change, vu qu'il devient une icône populaire auprès du grand public et des enfants, on décide progressivement de le faire passer du statut de méchant à celui d'héros des enfants, hein, on va dire la grande figure amicale des bambins. Il commence à s'humaniser, il se gratte le nez, il s'assoit sur son séant, donc quand on le tire dessus, il a mal au ventre, et on invente de tout nouveaux monstres qui représentent d'autres dangers plus forts. On a King Ghidorah, le dragon à trois têtes qui vient de l'espace, on a Edorah, qui est le monstre de la pollution, qui est inventé en 1971, même année que Spectreman, autre série sur la pollution. Et le film dont René Château parle, donc Godzilla contre Mégalon, qui est considéré comme l'un des épisodes les plus, on va dire, bon marché de la série, c'est littéralement, grosso modo, un épisode de Spectreman. C'est-à-dire que c'est, on a un monstre de l'espace qui s'appelle Gigan, ou Gigant en français, qui arrive de l'espace, plus un autre monstre. Un monstre souterrain qui s'appelle Mégalon, qui arrive d'une civilisation perdue, la civilisation perdue de Cytopia, qui remonte donc du centre de la Terre. Et ils se battent contre Godzilla, qui est le héros des enfants, et Jet Jaguar, qui est une sorte de robot géant qui fait justement un peu penser vaguement au robot de Gonagai, donc créateur de Goldorak. Ce sont des personnages incroyables. C'est vrai que ce sont des personnages qui peuplent nos souvenirs aussi. Là, nous voyons bien que le personnage de Godzilla en 1954 est présenté comme méchant. Il évolue, et puis il y a du commerce dans cette histoire-là. Et donc, il faut le rendre sympathique. Mais vous, Alex Nikolaevitch, vous avez un regard beaucoup plus large large sur la représentation des apocalypses. Et là, nous parlons du cinéma particulièrement, mais le cinéma fait la suite, en fait, de réflexions antérieures. Alors, est-ce que le mouvement, on va dire, atomique, apocalyptique, accentue cette peur? Est-ce que le cinéma, par les moyens techniques qu'il propose, permet d'aller encore plus loin? Ça s'inscrit quand même dans quelque chose de beaucoup plus long. Il y a déjà, en tant que scénariste, un auteur de cinéma doit avoir des bons enjeux, des enjeux forts dans son film. La fin du monde est l'enjeu le plus fort qui soit. Donc, arriver à mettre en scène la fin du monde, c'est un très bon enjeu pour un film. Dans les années 70, James Bond doit conjurer 3 ou 4 fois l'apocalypse nucléaire. Et en même temps, ça permet pour des cinéastes militants de mettre en scène les grandes craintes du moment. Il y a eu Soleil Vert, Holocauste 2000 ou des films comme ça, plus ou moins réussis. Holocauste 2000 est un peu risible maintenant, mais qui vont mettre en scène. Holocauste 2000, c'est intéressant parce que c'est le nucléaire civil qui devient le risque. Et là, il y a un vrai basculement aussi vers la centrale nucléaire qui devient peut-être le... Et on est une dizaine d'années avant Tchernobyl, qui devient... Mais je crois que Three Mile Island a peut-être eu lieu ou va avoir lieu vers cette époque-là. L'accident nucléaire dans la centrale civile peut devenir la source de l'apocalypse aussi. Ça, c'est un peu nouveau comme motif. Fabien Moreau. Et c'est vrai que, pour rebondir à ce que disait Alex, autant les films de Godzilla dans les années 70 vont être adressés aux enfants, mais le studio Toho va produire toute une série de films catastrophes à gros budget qui vont remporter un très très grand succès, notamment La Submersion du Japon, qui montre littéralement comment le pays va couler et comment le gouvernement japonais doit évacuer des personnes, des millions et des millions de citoyens japonais dans plusieurs pays du monde. Donc c'est vraiment pour le coup la disparition tangible d'un pays, donc quelque chose qui est au cœur des problématiques japonais vu que leur pays est quand même soumis à des perturbations tectoniques à tout moment. Et ils ont même fait aussi un film apocalyptique sur les prédictions de Nostradamus, dans lequel on voit l'explosion de Fukushima. Alors, il faut être précis, il y a une différence entre le film de monstre, parce que le monstre vient d'on ne sait où et il veut détruire le monde, et le film catastrophe, qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Il y a une différence à faire, notamment sur la finalité. Mmh. On se relève d'une catastrophe. Et vous voyez bien, vous, Alex Nikolaevich, quand vous regardez, la catastrophe naturelle n'est pas forcément l'apocalypse. Non, mais elle peut être traitée comme telle. Enfin, c'est effectivement, il y a la reconstruction derrière va devenir un véritable enjeu aussi. Mais notons que le film catastrophe a aussi les plus belles heures dans les années 70 avec la tour infernale, le Poséidon et ce genre de choses. C'est quand même des logiques assez proches. Et le Godzilla d'il y a 4-5 ans, comment s'appelait le réalisateur, le celui qui a fait Rogue One, Gareth Edwards, Gareth Edwards traite son Godzilla comme un film catastrophe, avec ce côté caméra à l'épaule, près des gens. D'accord, donc on trouve les mêmes procédés, mais dans les années 70, on sent que le film catastrophe prend le dessus un petit peu sur le film de monstre, et quand on étudie tout cet univers-là, c'est vrai que nous sommes dans quelque chose qui est toujours en léger décalage par rapport au contexte. Le cinéaste regarde le monde, l'interprète à sa façon. Il y a, Alex Nikolaevich, une petite particularité avec un film de Ridley Scott en 1982, Blade Runner. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. Blade Runner de Ridley Scott en 1982. Nous ne sommes pas, dans l'extrait que nous venons d'entendre, dans quelque chose qui fait peur. Et pourtant, c'est extrêmement angoissant. Il y a d'autres appréhensions du monde que simplement la peur du nucléaire dès les années 70-80. Il y a une peur du danger écologiste, notamment, enfin oui, écologique. Oui, le danger environnemental, il y a une prise de conscience dans les années 70, avec plusieurs films. Il y a un roman important, Le troupeau aveugle de John Brunner, qui met en scène très bien ça et qui prédit d'ailleurs le greenwashing de façon très efficace. Ce qui est intéressant dans Blade Runner, c'est qu'on est sur une apocalypse en cours, mais une apocalypse lente, une décomposition. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en scène très bien par le romancier à l'origine de Blade Runner, Philip K. Dick, qui met souvent en scène des univers qui se délitent, qui partent en petits morceaux. Il a écrit aussi Minority Report, Total Recall. Les murs de la réalité qui s'effondrent peu à peu. Et Blade Runner, c'est ça. On est à l'issue d'un processus de décomposition, de pluies acides, de surpopulation qui finissent par peser sur la psyché et sur le monde. Et on est sur un monde épuisé. Et c'est une autre forme, c'est T.S. Eliot, je crois, la fin du monde ne sera pas dans un fracas, mais dans un soupir, ou dans un murmure. Enfin, j'ai plus la citation exacte en tête, mais on est là-dedans, sur quelque chose d'un processus long. Et ça, c'est quelque chose peut-être d'un peu nouveau. Oui, c'est une nouvelle approche de la fin du monde, une fin du monde lente, un peu dans laquelle nous sommes encore, avec des vraies craintes. Vous, Fabien Moreau, quand vous étudiez ce personnage assez fascinant, hein, qui a réalisé le premier Godzilla, Ishiro Honda, il meurt en quelle année? En 1993. Il a vu tout le cinéma, il a vu toute l'évolution dont nous venons de parler. Votre ouvrage est sous-titré « Humanisme monstre ». Pourquoi monstre? On voit bien Godzilla. Pourquoi humanisme? Parce que Honda s'est toujours fait une sorte de témoin du monde sans pour autant juger les parties qui étaient en présence. Lui, là, je pense que son slogan aurait pu être « Il vaut mieux une bonne métaphore qu'une évocation directe ratée ». Et en fait, il a toujours été extrêmement témoin des changements de l'humanité, notamment des changements du Japon, hein, qui passe d'un pays d'après-guerre qui doit se remettre à un pays qui redécolle économiquement au début des années 60. Et sa position a toujours été de rapprocher le Japon du reste du monde, justement. Le Japon est un pays scarifié par cette guerre, et justement, lui, ça a toujours été son but de rapprocher les peuples, de dire au monde, non, nous avons vécu cette guerre, nous avons payé pour cette guerre, maintenant il est temps de se rapprocher du monde, de continuer avec l'avancée progressive du monde, et même s'il y a encore des poches d'impérialisme qui surgissent un peu partout au Japon, on doit continuer avec le monde qui avance et stopper avec cette guerre qui est absurde, et justement parce qu'il a vécu la guerre, il peut en parler. Et en parlant effectivement de cinéma, de science-fiction, en se demandant s'il fait écho aux inquiétudes du siècle, nous avons parlé de Godzilla, nous avons parlé d'Hulk, mais ils sont nombreux. Il faut les citer, en tout cas les voici, ils arrivent, il nous faut des martiens dans cette émission. Nous allons les retrouver dans Interactu, le journal du 22 décembre 1962. Les martiens, ça continue. Apparemment, ils poursuivent leur randonnée, ils explorent en détail l'Italie. Le 17, c'était à Milan. Le 19, on les a vus sur le lac Majeur. La nuit dernière, ce sont deux facteurs siciliens, deux facteurs de Catane qui les ont vus et ils jurent, eux aussi, comme les autres, que le Moscatello n'y est pour rien. Nos deux facteurs, donc, sont dans leur état normal. Or, ils ont vu, de leurs yeux vus, du plus près, un individu marchant d'une façon étrange, comme un canard, disent-ils, en zigzagant. C'est peut-être, à vrai dire, le martien qui avait bu, qui venait de découvrir les produits de la vigne sicilienne. Description, 1m80 paraît-il. Il avait les bras collés au corps et surtout, chose affreuse, pas de visage, juste une masse informe. Les deux facteurs l'ont vu à 1 mètre et n'ont pu dominer leur terreur. Ils ont pris la fuite. Dire que leur receveur, le receveur de Catane, est sceptique, c'est bien faible. Mais les deux facteurs ne démordent pas de leur histoire. En tout cas, disons-nous que tout cela, ces martiens, ces soucoupes volantes, c'est tout de même la rançon de nos incursions dans l'espace. Il est bien évident que de plus en plus, comme jadis au siècle passé, c'est tout de même paradoxal dans notre siècle de lumière, l'inconscient collectif admet la possibilité d'une irruption angoissante d'une invasion d'êtres venus des autres mondes. Une dernière question, et si c'était vrai? Et si c'était vrai, mais quel plaisir Interactu, le journal de 12h de décembre 1962, le 22 décembre, les Martiens en Italie. Nous avons parlé de ces monstres qui apparaissent dans le cinéma de science-fiction. La lecture peut être faite de manière similaire avec les extraterrestres. On parlait de Ridley Scott tout à l'heure, mais l'alien de Ridley Scott est tout à fait dans cette logique-là. Et on voit d'ailleurs qu'il développe depuis, dans la série, un discours extrêmement apocalyptique sur le plan de la révélation, de la destruction de la civilisation. Prométhéeus, si problématique que soit le film par ailleurs dans sa forme, développe tout à fait ce genre de thématique. Donc il y a toujours cette thématique globale, c'est-à-dire que nous avons, on va dire, un cahier des charges, répondre aux attentes du public, faire l'écho des craintes du moment, et sur l'ensemble du cinéma, c'est un peu la même chose du cinéma de science-fiction, avec des écarts. Vous, Fabien Moreau, vous avez regardé le cas du Japon, et vous voyez aussi ces évolutions, mais vraiment l'aspect commercial doit être souligné, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant avec Ichiro Honda, réalisateur japonais sans doute le plus vu au monde, mais qui est oublié à côté des grands du cinéma japonais, Kurosawa, Kurosaki, tout ça. Donc il y a malgré tout cette évolution, le cinéma japonais c'est aussi du commerce. Et il faut avant tout que ce soit du grand spectacle et surtout dans le cas de la science-fiction, il faut que bon, le message est secondaire, mais il faut avant tout que ce soit grandiose, distractif, distrayant, il faut qu'on en ait pour son argent. Et à l'opposition du cinéma de science-fiction américain qui est quand même encore un peu timoré dans les années 50, le cinéma japonais de science-fiction, lui, devient extrêmement généreux en spectacle, c'est-à-dire que ce que vous voyez sur l'affiche, vous allez l'avoir dans le film. C'est-à-dire si on vous annonce un film d'invasion extraterrestre, justement, avec des martiens en costume bleu et jaune, un dôme géant, un robot géant et des soucoupes volantes par dizaines, vous allez littéralement les avoir dans le film. Voilà. Toujours avec ce message anti-atomique en sous-texte. Voilà, par exemple, Ichiro Honda fait un film qui s'appelle Prisonnière des Martiens, justement, The Mysterians, dans lequel on apprend que d'anciens des extraterrestres ont quitté leur planète parce qu'elle avait été détruite à cause d'une guerre nucléaire. Et donc, ces martiens, enfin, ces mystérians, c'est le nom des extraterrestres, ces mystérians ne sont ni plus ni moins que les humains que nous allons devenir dans le futur, en fait. Comme quoi, il faut regarder le cinéma de science-fiction, ou au moins porter un regard sur le cinéma de science-fiction, parce que ce cinéma parle de nous et puis il nous prévient des dangers. Nous allons laisser pendant quelques minutes les monstres. Mais oui, parce que j'ai beaucoup mieux que les monstres à vous présenter. Voici Anaïs Kien et son journal de l'histoire. On a... Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Unsere Kinder, le dernier film tourné en yiddish en Pologne, raconte les lendemains de la Seconde Guerre mondiale à travers le parcours initiatique de deux hommes en quête d'espoir pour reconstruire et se reconstruire. C'est l'histoire des Juifs de Pologne rentrés chez eux après l'occupation nazie, après les camps de mise à mort, l'histoire du retour à la vie. Les acteurs Shimon Tzigan et Israel Schumacher, le producteur Shaul Goskind et Nathan Gross, qui a survécu à l'occupation, s'associent en 1948 pour tourner un film à Lodz avec les enfants d'un orphelinat juif. Cette rencontre est au cœur du scénario d'Unsere Kinder, Nos enfants. Mais c'est aussi une histoire de théâtre, une fable sur la confrontation de deux manières de vivre le deuil. Celle des adultes et celle des enfants, à travers un théâtre comique, acerbe, qui se moque de la tragédie et parvient à arracher des éclats de rire en rejouant les scènes d'humiliation des ghettos organisées par les autorités allemandes dans les villes polonaises avant leur liquidation et la déportation. Tourné avec les enfants de l'hôpital d'Hellenovec, Unsere Kinder est produit par le Parti communiste. Le film correspond d'ailleurs au standard de la mémoire communiste de la Grande Guerre patriotique. Se préoccuper des enfants et des tourments de leur mémoire, c'est leur rappeler qu'ils ont combattu à leur manière et ont réussi à survivre malgré tout. Les enfants ont résisté comme les autres. Le film s'ouvre sur une représentation du célèbre duo comique, formé par Shimon Zigan et Israël Schumacher, perturbé par un groupe d'orphelins en désaccord avec leur représentation de la vie dans le ghetto. Les deux comédiens font le constat amer que le sujet n'intéresse plus et s'apprêtent à ravaler leurs fantômes et leur mélancolie quand les garnements les mettent au défi de leur rendre visite à l'orphelinat où ils ont été accueillis. Une visite prétexte pour raconter la guerre à leur manière et pour combattre les cauchemars qui hantent leur nuit. Pas facile pour les deux adultes d'admettre cette vision de l'occupation, les larcins pour survivre et les jeux que les enfants se proposaient pour défier la surveillance de leurs bourreaux. Tous sont convalescents et tous s'allient pour arriver au bout du processus, un processus de réparation. Mais Unsere Kinder ne sera jamais projeté en Pologne. C'est la redécouverte de la pellicule originale en 1979 et sa restauration en 1991 par le National Center for Jewish Film qui nous permettent de voir aujourd'hui les derniers feux d'une culture juive polonaise flamboyante, meurtrie par le génocide et achevée par le communisme soviétique. Jeden Abend auf die Fenster, behalt sich nicht in den Stieben, sie darf gar nicht helfen. Hört sich zieht zum moralischen Lied wegen der Mamas Machulim bei uns. Unsere Kinder, fable sur la catharsis théâtrale, l'apparition du théâtre yiddish est liée à une fête, la fête de Pourim, la fête des sorts au Moyen-Âge, mais c'est à partir du 19e siècle qu'il devient le lieu d'une renaissance de la culture juive ashkénaze, une culture théâtrale et musicale qui prend ses distances avec la religion et s'exporte à travers le monde grâce aux diasporas jusqu'à connaître un âge d'or à New York dans les premières décennies du 20e siècle. Et vous pouvez retrouver tous les liens utiles pour poursuivre sur le théâtre yiddish sur la page du journal de l'Histoire sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'Histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André et Aurélie Lachkar. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr ou bien en baladodiffusion, le podcast. Et puis vous pouvez les commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. We'll be right back.